Ah oui, tout le monde ensemble, on préfère chanter la chanson par tout le monde. OK, on le fait chanter, vous êtes prêts? Ouais. Hein? C'est t'as fait. Je vous dis tout de suite, ça va commencer un podcast, ça. On va le mettre en l'eau. Vous avez un problème, nous avons un podcast! Bonjour et bienvenue à Pas de problème, balado numéro 170. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric! Salut Martin! Mathieu Bouillon! Salut! c'est précision! Excusez, je pensais que c'était Mathieu. Non! Comment ça va avec les hommes, Priscilla? Oh, les beaux hommes! Je suis spécial, mais Cloud! OK, okay. On n'est pas aux grandes gueules, on est à prendre hey, est-ce que c'est Rato que je vois rentrer? Pas pire, hein? Ah, ben on est content de vous voir. Servez-vous, là, dans le buffet de... Oui. De sushi. Et notre invité de la semaine, Olivier Godet-Savard, salut, qui salut. Va nous faire une imitation maintenant. Non, pas du tout. Non, j'ai pas ce talent-là. Ah, ça, c'est... Oh, Mathieu Bouillon. C'est tout ce que je viens de faire. Comme ça. Oh. OK. Une moufette qui pète. Alors, voilà. Donc, bienvenue à Pas de problème. Merci, Fred. Merci d'être là. Ben, merci de m'avoir invité. Oui, parce que je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui, comme les anglophones disent, pense... à l'extérieur de la boîte, vraiment, pour celui-là. Oh, OK, j'aime ça, oui. Parce que ça gaule, mais avant, tout juste avant, es-tu capable d'expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'il n'y a pas de problème? En fait, pas de problème, c'est un podcast, hein, Frédéric? Oui. Donc, c'est comme une émission de radio, mais qu'on peut écouter n'importe quand, oui. Même sous oui. la douche. Et donc, c'est un podcast qui règle les problèmes des podophiles, hein, faire attention à ce mot-là. Et donc, aux podophiles qui posent des questions et vous répondez à leurs problèmes, c'est ça qu'il faut dire? Ça fait 170 problèmes résolus et 170 personnes sûrement plus heureuses. Oui, on offre une panoplie de solutions. Voilà. D'ailleurs, je viens d'apprendre que dans l'assistance, il y a... des gens qui sont venus de Québec. Ben voyons donc! Ouais. Aïe, aïe, aïe! Wow! Hey, hein? Mon avoué que... Ben smart, merci. Oui, merci. Il écoute ça depuis un an, il écoute ça au bureau, c'est parfait. C'est donc en voiture, au bureau. Malade. C'est parfait pour eux. Je suis très content de les savoir ici. C'est vraiment ici. Smart. Surtout que je viens de la vieille capitale, donc j'imagine oui, qu'il y a un lien. Oui, ils sont venus pour toi. Ben, ils sont sûrement venus pour moi. Cap Rouge, hein, represent. Ben oui, hein, la côte, le Tracel, on s'en reparle après? Excellent. Non, je sais pas. Okay. Et solide. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous joindre à nos amis dans l'assistance, tous les deuxièmes mardis du mois au 951 Rachel Est au bar Les Passages. Oui, le barman crie wou. Mais excellent. Mais c'est Josy. Oh, c'est pas la bonne phrase. Non, c'est pas la bonne phrase. Mais il faut avoir 18 ans. Parce qu'il y a de la boisson! C'est chaud! Alors... Malade. Il y a beaucoup de vedettes ici, ça se passe. Ben oui, en plus de Priscilla. Plein. Mouillum! Rato! Oh oui, oui, oui! La gang est là. Maxime! Venez nous rejoindre. Oui. Et en attendant la prochaine enregistrement, messieurs, on va vous séparer. En attendant le prochain enregistrement, on vous invite à aller sur Mr. Dress Up et vous procurer... Oui. Un merveilleux t-shirt, pas de problème. Mm-hmm. Bon, les filles de Québec qui parlent? Non, OK. On alors, parle de Vision Montréal. Oui. Martin, oui. Le problème cette semaine. Oui, je vous avertis, vous vous donnez dans des problèmes d'une longueur très élevée. Oui, on l'a reçu sur Twitter, celui-là. OK, parfait. Bon, alors, il va comme suit. Est-ce qu'on a de la provenance? Est-ce qu'on sait qu'il vient de qui? Oui, il vient de Pierre-Luc Brault. Alors, ça vient de Pierre-Luc Brault et ça va comme suit. Comment ne pas penser au jeu? Attendez. Au jeu! Au jeu! Non, au jeu! Non, pas les bleus contre les jaunes. Comment ne pas penser au jeu? Ben, en fait, je pense qu'il parle de game. Il parle de game, oui. Le film avec Michael Douglas? Non, non, non, non! Le principe, l'énigme pseudo-philosophique qu'est The Game, mais j'imagine que Mathieu et Olivier, vous allez m'en dire plus à ce sujet. Mais je peux te l'expliquer parce que oui, le problème est très court à résumer, oui. Mais il est un peu long à comprendre. Mais donc, si vous me permettez, oui, deux vas-y, secondes, vas-y, Fred. À son problème, il a ajouté « Si vous ne savez pas ce qu'est le jeu, voir ce lien », il nous a donné un lien, oui. Wikipédia. Une chance, parce que sinon j'aurais parlé d'autre non, chose. Non, ouais, c'est ça. Moi non plus, je n'étais pas au parfum de non, ce Non, moi jeu. Non plus. Et j'imagine qu'il y a quelques podophiles qui ne le sont pas non plus. Et à voir la face des filles de Québec, ils ne comprennent pas non plus de quoi on parle. On va parler lentement. Mais donc, le jeu, The Game... On a déjà Sherbrooke sur le dos à cause d'Antoine. Là. Oui, bon, mais là, ça va être Québec. The Game, c'est Martin, tu connaissais ça? Fred, tu connaissais ça? Non. Moi, je connaissais pas. Moi non plus. Pas ça. Donc, c'est un jeu très simple. C'est pas un jeu classique. Donc, il y a pas de plateau, il y a pas de cartes, il y a pas de déguisement. Et c'est vraiment un jeu qui se passe dans la tête des gens. Un jeu qui, en fait, qui a trois règles simples. Premièrement, la première règle, tout le monde joue. Donc, présentement ici, peut-être que vous le saviez pas, mais vous jouez à The Game. Ok, tout le monde joue. La deuxième règle, c'est dès que tu te rends compte, dès que tu penses au jeu, donc, tu viens de perdre. Donc, présentement, on en parle, donc vous venez tous de perdre parce qu'on vient tous d'y penser qu'on jouait à ce jeu-là. Ah, tiens, d'autres gens de Québec, bonjour. Donc dès qu'on pense au jeu, on perd. Et la troisième règle, c'est dès qu'on perd, il faut l'annoncer à au moins une personne. Donc, si tu es sur une île déserte, même si tu perds, ça ne fonctionne Olivier, pas. Mathieu, j'ai perdu. Tu as perdu, voici ouais, ça, moi aussi. Ouais. Mathieu, j'ai perdu. J'ai perdu. Tout le monde en a perdu. Mais ceci dit, il ne faut pas paniquer. On a des nombres de vies illimités. Donc, parce que là, bon, durant toute l'émission, on va perdre constamment parce qu'on va en parler beaucoup. Mais après l'émission, donnez-vous peut-être une petite demi-heure. Puis après ça, bon, on peut recommencer à jouer et à ne pas penser qu'on joue jusqu'à Olivier, temps qu'on y repense. Olivier, je viens de perdre. Mais il y a vraiment une réaction en chaîne qui se fait après ça. T'sais. Oui, mais ceci dit, annoncer à quelqu'un qu'on perd, donc ça voudrait presque dire de le tuer momentanément. Parce que si je te dis que je viens de perdre, tu penses donc au jeu. Mais non, faites-vous-en pas. Quand je te dis que je perds, il y a une période tampon. Là, ça dépend là, il y a de 37 secondes à 1h30. Ça dépend je pense, des régions du monde. Mais de tampon, où ce que là, tu as le droit d'y penser jusqu'à temps que tu réoublies que tu joues. Et là, bon, le jeu est donc comme ça. Donc, dès que tu joues au jeu, mais dès que tu y penses, tu viens de perdre. Donc, c'est. On vous invite à consulter le lien qu'on va mettre avec le problème. Il y a quand même des petites situations cocasses aussi. Le jeu, je pense, l'apogée du jeu, ça va être quand toute l'humanité va jouer. Donc, ça, c'est quelque chose comme. C'est quand même le but du jeu. Donc, quand il y a des tribus africaines qui vont faire. Oh, en même temps qu'ils sont allés, je sais pas, se manger leur troisième enfant, disent je joue au jeu. Et aussi, le jeu va s'arrêter lorsque le premier ministre britannique ou le pape va dire dans une allocution officielle « The game is over ». C'est vrai, ça? Ben, c'est selon, ça, selon Wikipédia, qui est une source assez fiable pour les gens qui ont pas. Ça s'arrange, ça, j'imagine. Ben, ça doit s'arranger, oui. Moi, être le premier ministre britannique, peut-être je le ferais, là, tu sais, juste pour fucker l'affaire. Mais donc, c'est ça. Donc, le problème est comment ne pas penser au jeu, donc comment ne pas perdre à ce jeu. Donc, Pierre-Luc, c'est une très bonne question. Moi, je me dis donc, en fait, c'est comment... Comment peut-être, justement, associer le problème à des choses... je vais recommencer. Comment, mettons, contrôler son inconscient, son subconscient pour être associé à quelque chose, mais non, de ne pas y penser. Donc, je me dis... Oui, vas-y, Fred, t'avais quelque chose? Non, mais en fait, moi, en lisant ce problème-là, j'ai tout de suite pensé à quelque chose qui m'arrive souvent. Moi, j'ai pas une peur des chiens. OK. OK, mais je trippe pas tant que ça, chien. Mais j'ai entendu dire une fois que les chiens sentaient la peur. OK. Fait que, à chaque fois que je passe à côté d'un chien, je pense à ça. Puis là, je me dis, le chien doit le sentir. Mais je trouve qu'il y a un peu de ça, tu sais, de faire comme ça. Ça revient automatiquement. Puis comment ne pas, justement, régler son inconscient à faire non, non, non, c'est fini, là, tu penses plus à ça. Tu penses plus au fait que t'as même pas peur. Oui, c'est ça, mais tu sais, tu penses que tu fais non, j'ai pas peur. Puis là, plus tu dis j'ai pas peur, t'as un peu peur. T'as un peu peur. Puis t'es en train surtout de penser au fait que t'as pas peur. Puis là, le chien va dire ben là. Est-ce qu'il le sent? Ben oui, c'est ça. Ben c'est un peu ça le problème. Alors moi je me dis associons ça à des choses qui font pas notre affaire. Dans la vie, bon, tu sais des fois quand c'est des choses qui font pas notre qu'on aime pas du moins, c'est les choses qu'on oublie facilement. Par exemple un abonnement au gym, hein, on se prend tout ça, mais après ça on oublie d'y aller. Donc on oublie constamment d'y aller, on a notre carte dans notre petit portefeuille mais on y pense pas, on y va pas. Même chose pour un rendez-vous chez le dentiste, même chose pour aller nourrir le chat de ton ex. Donc c'est quelque chose que mettons on est supposé faire mais qu'on fait pas. Donc je me dis associons ça à quelque chose qui est de la douleur. Donc, peut-être que ça va faire qu'on y pensera pas. Et peut-être aussi situation un petit peu plus drastique pour des gens comme Mathieu. Ah, moi, là. Mathieu qui a déjà commis 1, 2, 3 abus d'alcool dans sa vie. Oh! Je me dis, bon, peut-être une soirée très, très arrosée. Tu te clenches comme faux, Mathieu, là, tu sais, comme un bon mardi après-midi. On y va, là, ouais. Et là, là, c'est à ce moment-là que tu décides que tu rentres dans The Game. Oui. Et ensuite de ça, bon, tu continues ta soirée et le matin, tu te réveilles en ayant oublié la majorité de ta journée. Donc, tu as oublié que tu participes à The Game. Donc, toi, tu le sais pas, mais tu l'as fait. Donc, tu oublies. Donc, tu n'y penses jamais. C'est un bon, ouais. Fait que je me dis que c'est peut-être comme ça qu'on peut gagner. Donc, en altérant ses sens. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Ou vraiment se faire mal, tu sais, un coup dans la main. Ça. Moi, je pense en modifiant les règlements du jeu pour faire, en plus de le dire à quelqu'un, je dois me taper la tête sur un poteau de téléphone. Je comprends pas. À chaque fois, tu y penses, c'est ça? Oui, non, mais okay. Tu rajoutes, ouais, tu dis à chaque fois que je joue au jeu et que, donc, après avoir dit à quelqu'un que tu as perdu, tu dis, je suis obligé de fesser cette personne-là. Ah non, mais moi, c'était plus pour pas y penser. Je me fais mal constamment. Mais non, mais là, c'est ça. Ah, pour toujours être en train de penser à ça. Non, mais tu t'engages quelqu'un pour qu'il te fasse faire des accidents. OK, oui. Puis là, c'est pas toi qui y penses. Oui, mais à partir du moment où tu te dis, mais pourquoi j'ai autant d'accidents? Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais quand t'as un clou dans l'œil, tu y penses moins, tu sais. Donc, oui, OK. Donc, provoquer d'autres affaires beaucoup plus extrêmes qui vont faire que tu penses pas à ça. Oui, ah, d'accord. C'est c'est vrai. Donc, des clous dans l'œil, contracter le VIH. Ça fait que peut-être que tu penses à d'autres choses. Peut-être que tu peux vivre une vie très normale avec le VIH et penser au jeu. Ça va être quand même. Mais imagine si t'associes après ça le VIH au jeu, t'es dans le marde. T'es un peu dans le marde. Oh. Oui, c'est sûr. Le VIH, c'est un peu un jeu. c'est le jeu de la roulette. Mais oui. Pensez-vous honnêtement que ça se peut de pas y penser, de participer à ça? Parce que dans plusieurs recherches qu'on fait sur ce fameux jeu, ils disent que c'est un catch-22, là, c'est quelque chose qu'on peut pas arriver à faire, en fait. C'est le but même du jeu, c'est de perdre, en fait. Ouais. Donc, c'est... Ouais, mais tu sais, le fait de s'endormir, mettons, là, c'est un peu comme oublier qu'on veut s'endormir, tu sais. On dirait que ça fait appel à la même... aux mêmes capacités du cerveau. Mm-hmm. C'est vrai, tant que tu es couché et tu dis je veux dormir, ça dormira pas. Tu dormiras pas. T'sais. Donc, vrai, quand on cherchait des trucs sur le sommeil, il disait que ce qui procure le sommeil, c'est une hormone qui s'appelle, j'ai oublié le nom, là, mais quand cette hormone-là s'en va, l'endormone. On s'endort. L'endormine. C'est peut-être ça. Fait que, tu sais, peut-être qu'en pensant au jeu, qu'il y a moyen comme d'associer ces deux parts of the brain-là. Mm-hmm. Oui, parce que c'est souvent en se disant « je veux pas dormir » que le sommeil nous vient. Donc, peut-être en disant « je veux penser au jeu » rapidement, on l'oublie. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en disant « je veux penser au jeu », tu y penses, donc tu perds automatiquement. Oui, tu perds, mais rapidement, tu fais comme « OK, je pensais plus j'étais tanné de jouer à ça. Là, maintenant, joue à un autre jeu. Va te louer des jeux d'Xbox comme tout le monde. » C'est peut-être là la piste pour Pierre-Luc, de se trouver d'autres jeux. Oui! Peut-être. Ouais. Parce que c'est un jeu qui n'a pas de fin, en fait, le mind game, le jeu. Ouais. Donc, mais c'est drôle que je me dis, plus on cherche des solutions, je pense que plus ça va à l'encontre. Oui. De, c'est ça. C'est un peu, hein. Mais qui se mettent à penser au Colon de Catane ou au Parcheesi, je sais pas, qui se trouvent un autre jeu à quoi penser. Ça des jeux encore plus obsédants. Mais j'aurais aimé ça peut-être écouter avant de faire ce podcast-là, nos trucs pour enlever les verres d'oreille. Oui. Parce qu'il y avait un peu de ça. Il n'y avait pas un petit laser d'impliqué? Oui, il y a toujours des petits lasers d'impliqué. Ah, c'est ça. Oui. Puis là, tu commences à fumer sans savoir pourquoi. Tu sais, une autre idée aussi qui se rapproche d'un problème qu'on avait déjà eu, c'était sur l'oubli. Tu sais, comment oublier cette fille qui m'a fait souffrir, là, tu sais, mais là, c'est oublier un jeu, tu sais. Mais peut-être qu'encore une fois, il y a des solutions à la Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mm-hmm. Fait que genre, au lieu de vouloir oublier Kate Winslet, ben tu veux oublier le jeu. Oui, c'est pas fou. Ou demander à un ami que pendant que tu dors, de t'imbriquer le fait que tu joues au jeu. Mais ça revient comme... Électrochoc. Électrochoc. Donc, si on y participe sans le savoir, on n'y pensera donc jamais. Peut-être que ça fait 33 ans aujourd'hui que je jouais au jeu et là, j'ai perdu prenant conscience du problème de Pierre-Luc. Tu sais, on switch, là. Au lieu de dire à quelqu'un, taser, s'auto-taser. Oui. Bing. Bing. Hey, je vais arrêter de... Ah! Mais y a-tu moyen que ça soit profitable de jouer au jeu? Par exemple, de jouer au jeu à l'argent? Mm. Oh! À chaque fois que tu y penses, tu donnes des sous? T'as un parrain? Mmh. Ouais, c'est ça, t'as un parrain, puis à chaque fois que tu y penses, quelqu'un te donne des sous. Ouais. Faudrait que. T'sais pas, je repense à. Oui, repense à ça, hein? Parce qu'on dirait que c'est pas rentable pour ton parrain. Ce qui serait rentable, c'est, mettons, si pour t'occuper l'esprit, tu décides de prendre une job très prenante, t'sais, qui te demande énormément d'espace mental, ben le jeu va prendre le bord, là, t'sais. Mm-hmm. T'as des délais à remplir, des deadlines, des échéanciers. Pis Priscilla, elle, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Non, mais les mots qu'ils hommes! Moi, je pense plus au jeu! Je pense à Picom et Cloud! Bon, tu vois, Priscilla a trouvé une bonne solution. C'est une move. Pour vrai, j'ai pas pensé au jeu. Pendant que je faisais Priscilla, là. J'ai hâte qu'on sorte une compilation de nos meilleures imitations. On y en serait a pas bon. Mal, hein? Ouais. Mais sur la page Wikipédia, il y a la section Les stratégies. Pis là-dedans, il y a le but, c'est. Ben, spoiler. Il essaie de d'essayer de faire perdre les perdre autres. Perdre les autres, c'est ça. Ouais. Ça, c'est assez simple, en fait. Ouais, oui. Comme là, ce qu'on fait depuis tantôt. Quelqu'un qui savait pas, on l'a fait perdre. Ah. Big time. Ah non, mais ça, c'est bon. Mettons, tu te fais tatouer dans le front, genre, tu pense au jeu. T'sais, fait que toi, ça vient que tu l'oublies, ton tatou, mais tout le monde qui te croise. Non, mais à chaque fois que tu te lèves le matin, un peu au jeu. Ou un peu moins drastique, tu le rases dans les cheveux en arrière. Oui, c'est ça. Tatoué dans la nuque, là, tu y penses pas. Tatoué dans la nuque? Dans l'anus. Oui, j'ai dit dans la nuque, Mathieu. Okay. Mais oui, sur Wikipédia, il y a des bons trucs. Mais c'est ça, mais tu sais, justement, graffiti sur les murs, inscription sur les billets de banque, tu sais, de le faire penser à quelqu'un d'autre quand toi, t'es pas là. Quand t'es pas là. Non, mais. Tu retires au guichet, puis là, tu retires tes 20$, t'écris t'as perdu. T'as perdu. Mais si c'est bon, mais après. Le jeu. Ça prend un guichet qui est bien rodé. Mais ceci dit, ça. Ça fait pas plus que toi, tu gagnes ou tu perds, là, mais ouais, tu peux un peu emmerder tes amis qui jouaient. Vous savez qu'une de nos grandes chanteuses québécoises a écrit une chanson pour dire qu'elle était tannée de perdre au jeu, hein? Oui. Est-ce que tu sais de qui je parle? Je le sais, mais je vois que ton Internet marche plus, fait que ça va être difficile. C'est Isabelle Boulay avec la chanson « Je t'oublierai, je t'oublierai ». Je t'oublierai, je t'oublierai. Applaudissez-le pas, s'il vous plaît. Tous ceux qui écoutent le podcast... À chaque fois qu'ils vont entendre cette toune-là, ils vont perdre. Ouais. Ils vont passer au jeu. Je t'oublierai, je t'oublierai. Et il paraît que Priscilla fait une version de cette chanson-là. Je t'oublierai, je t'oublierai. Parfait. Vraiment, on s'enlise. Puis Edith Butler aussi. Ah oui, Edith, elle la chante, hein, Fred? Je t'oublierai. Et puis elle la chante en duo avec Normand Brathwaite, je pense. Ils sont pas capables. Ah oui, essaye. J'embarque pas là-dedans. J'ai perdu. Mais de tout simplement tricher au jeu, je pense, se disant juste « Hey, je me calisse de cette patente-là », je pense que c'est un pas en avant. Ouais. Quand c'est un jeu qui n'a pas de prix ou ça, si tu triches, ça ne sert à rien. Non, mais dans le sens que tu dis « Ok, je pense au jeu, mais je ne suis pas en train de me dire « Je pense au jeu, donc je le dis à quelqu'un », je fais « Non, je triche, je fais juste penser au jeu puis je m'en crisse. » Oui, Martin, tu boudes ton plaisir. Non, mais ça, c'est la sous-question. Est-ce qu'il y a un plaisir à jouer à ce jeu-là? Oh, vous boudez votre plaisir. Quand même. Non, mais pour vrai, Mathieu, toi, trouverais-tu un plaisir à jouer à ce jeu-là? Sincèrement, non. Non, c'est ça. C'est sûr que j'embarque pas là-dedans. De là, de dire à Pierre-Luc, tu sais, quel plaisir tu trouves à jouer à ce jeu-là? Peut-être qu'on pourrait te suggérer d'autres jeux ou juste des sorties sociales, venir nous voir. Parce que ça devient quand même quelque chose d'obsédant pour rien. Mais moi, je soupçonne que Pierre-Luc écoute notre podcast puis s'est dit... Je vais leur fournir un problème auquel il n'y a pas de solution. Pour faire perdre tous les amis. Mais oui, parce que moi, avant de voir ce problème-là, j'avais aucune idée que ça existait, ce jeu-là. Moi non plus. Et pourtant, je suis un grand fan de jeux de société, mais lui. Hey, autre idée, mettons, si tu veux gagner. Attends, c'est au lui jeu. L'auteur de la page Wikipédia. Quoi? C'est peut-être justement d'aider quelqu'un à faire une carrière politique en Angleterre. T'sais. Fait que si tu t'arranges pour comme être dans l'équipe du nouveau premier ministre. S'impliquer dans l'église, essayer de gravir les échelons pour se faire élire. Ça, j'ai essayé. C'est dur. Là. Mais c'est une bonne solution, finir le jeu. Finir le jeu, c'est bien. Est-ce qu'on peut truquer aussi, faire aller du CGI, faire le pape. Oui! Puis lui faire dire « Le jeu est fini! » Ça, c'est l'ancien Jean-Paul pape. Ouais. À la limite, là, tu pourrais juste avoir une job de sous-titreur à Radio-Canada, mettons. Puis tu sais, pendant une allocution en allemand ou en italien. Ah, ou, c'est parfait! Changer « Le jeu est fini, le jeu est fini, le jeu est fini. » Ah oui! Oui. À date, je pense que c'est la meilleure solution. Ouais. Non, mais oui, de truquer les... Mais non, ouais. Mais en même temps, il sera pas vraiment fini, ça va se découvrir, tout ça, mais c'est très, très drôle ouais. Pour... Mais éplucher la Bible et trouver une possible allusion comme quoi le jeu serait terminé, une parabole ou c'est une, clair que ça une métaphore. Se peut, ça. Mais après la faire dire au pape, là, c'est pas juste. Oui, non, mais le pape va lire c'est un extrait de la Bible. Pape Élise Boula. Élise Boula, et là, tout, et là, on fait hey, je pense que ça veut dire. Mm. On fait une page Wikipédia, là, comme lui, il fait, en disant hey, je pense ouais. Que quand il a dit ça. Ça voulait dire quoi, que le jeu était... Mais en fait, je pense que les paroles « je t'oublierai » sont paroles d'évangile. Oui, je pense que c'est Paul. C'est évangile selon... Paul. Ouais. Isabelle. Saint Paul. Les filles d'Isabelle. Oui, c'est ça. Mais moi, je l'aime quand même, ce jeu-là. Mais tu connaissais ton jeu-là? Non, pas tout. Pas tout. Non, je trouve ça drôle. Je trouve qu'il manque de jeux comme ça dans la société. Là, tu sais, justement, on est... presque dans la société ouais. Des loisirs. Là. Oui. T'sais, ça manque de tag géante ouais. Dans la ouais, ville. Mais... Peut-être qu'il faudrait jumeler ce jeu-là à la tag. C'est ça, il manque un petit côté ludique. Il manque ouais. Un but ouais. À atteindre quand même. Ouais, c'est parce ouais. Qu'il est plate, ce jeu-là. On va se le dire. Il manque de petite mais de fun. Il est inclusif. On pourrait jouer au jeu barbecue, mettons. C'est quoi barbecue? Tag barbecue? Ben non, mais c'est le jeu. Chaque fois que tu penses au jeu, il faut que tu t'embrasses ton voisin ou quelqu'un. Oui, donc ça, c'est toi, ça. Tu veux ça, jouer à mieux. Ça, vraiment? Ben, peut-être Martin? Pas là, là. J'ai pas dit que je commençais une game de The Game, là. OK. Mais peut-être mais... plus tard en soirée, là, si le monde reste. Mais tu sais, moi, ça me rappelle Char Jaune aussi, hein? Oui, Char Jaune. C'était Peanut Jaune, ça. Peanut Jaune? Peanut, c'était des Beatles? Des... Char Jaune sur la 20, là, ouais, oui, Char Jaune, oui. Là. Mais c'était des... Une bine à quelqu'un. Mais c'est pas mal fini, ce jeu-là. C'est des mort coccinelles. De sa belle mort, là, tu sais. Ben, tu viens de leur partir, mon gars. Ouais. Aïe, aïe. Il n'y avait pas de Char Jaune. Non, mais c'était pour montrer aux gens à la maison. Maudit. Mais oui, c'est ça, il manque juste un petit côté, tu y penses, puis quelque chose, ou faire des équipes. Peut-être ça pourrait être un strip jeu, tu sais, comme tu y penses, t'enlèves un morceau de linge. Ça, c'est un peu ta vie, Mathieu. Ouais. Ou peut-être installer quelque chose qui va contrer l'effet d'y avoir pensé. Tu sais, si tu portais des bobettes rouges le mardi... Ça compte, c'est ça. Okay. Donc, mais ça s'apprend un règlement. Puis je sais pas qui a fait les règlements officiels. C'est là. Comme pas dit tant que ça, là. Tu sais, c'est comme le jeu, c'est assez obscur. C'est peut-être Vasco de Gama. Mais sinon, peut-être aller vers un grand créateur de jeux comme encore vivant, là, comme Rosenberg, admettons. Normal Amour. Et lui dire de faire Normal Amour. Hein, il a pas créé de jeu, lui, par exemple. OK. Mais de lui demander de faire une sortie publique comme quoi que ce jeu-là est irrecevable ou que peut-être qu'une plateforme comme Board Game Geek, un site internet qui recense là, tous les jeux de société, puisse sortir un article comme quoi ce jeu-là n'est plus recevable étant donné les pauvres règles qu'il comporte. Mais toi, Martin, t'arrives d'un camp de vacances de jeux de société? Non, je suis jamais allé dans ce maudit camp de vacances-là. T'es pas là, finalement. Vous arrêtez t'es pas de me plaisir avec ça. Camp de vacances. Il pleuvait des morceaux d'échecs? Non. Non? Non, il y avait une tempête non, de tic-tac-toe. Il faisait beau, fait qu'il a été obligé de jouer dehors. C'est ça. Il faisait beau, fait que la moitié des participants ne pouvaient pas sortir dehors. Non. Il n'y avait pas d'ail non plus qui était... Bon. Ils ont oublié leur pompe d'asthme. Oui. Voilà. Un camp interdit aux filles. Non, mais j'aime bien l'origine, si ça vous permet. Oui, c'est... vas-y. Les origines du jeu sont incertaines. Une théorie affirme que quand un joueur... un jour, deux amis ratèrent leur dernier train et durent passer une nuit sur le quai, ils essayèrent de ne pas penser à leur situation. Celui qui penserait premier perdait. Donc, un autre explique qu'il fut inventé à Londres en 1996 pour ennuyer les gens. Selon moi, c'est peut-être ça. Ouais. La première allusion au jeu sur le web date de 2002. Le jeu est un exemple d'effet rebond. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est-à-dire, plus on ne veut pas penser à quelque chose, plus ça... Plus qu'on y pense. D'où la citation de Dostoïevski. Oui, tentez de vous tenir à cette tâche. Essayez de ne pas penser à un ours polaire et vous verrez que cette maudite bête vous reviendra à l'esprit à chaque minute. Et j'essaie avec tous les animaux et ça fonctionne. C'est pas juste une affaire d'ours polaire. Pour vrai? Ouais. Essayez de pas penser à un chien, voir. Et pas là, un chien. Oui, t'as une question? Oui, j'ai une question. En fait, c'est savoir Daniel Lavoie, puis tu lui dis, s'il te plaît, dire que le jeu est terminé. Ça marche, c'est le pape du rap. Oh! Oh! Oh! là. Oh, oui, c'est ouais, vrai. Ouais, il dit pas quel pape. Non, il dit le pape, c'est vrai, t'as raison. Ouais, t'sais, mais... Mais il a été renié par ses enfants à cause de cette toune-là, tu sais. Ouais, mais tu sais, même au sein de la chanson originale, quelqu'un demande « Who made you le pape du rap? » Tu sais, donc, tu sais, même ça, c'est contesté. « It's the game. » « It's the game. » « It's the game of life. » »« It's all about the game. » And now you play it. Donc, ouais. Des solutions préférées? Jouer à Jumanji à la place. Ouais, changer de jeu peut-être. Ouais. Ou ben sinon, sinon les clous dans les mains, je pense. C'est des clous dans les yeux? Ouais. Des clous dans les yeux. Ah, à main. Se créer d'autres problèmes qui font qu'on pense pas à ça. Ouais. Mais j'aime bien vous comprendre l'effet rebond maintenant. Parce que c'est vraiment un problème qui s'applique à plusieurs sphères de ma vie. Le rebound, c'est-à-dire sortir avec une fille plate après que ta blonde t'a dompé, genre? Oui, l'effet exactement. Rebound? C'est exactement ça. Exactement. Mais sortir avec un ours polaire. Ou un ours polaire, OK. Oui. C'est ça. Puis pas y penser. L'effet rebound. Pas trop y penser. Pendant que tu te fais violer par un ours polaire, ouais. Pense-y pas. Oui. Non, moi, personnellement, j'aime vraiment l'idée d'aider quelqu'un à se faire une carrière en politique en Angleterre. Ouais. Ouais. Puis dans son premier discours, il fait... Le jeu est terminé. Je démissionne de mon poste de premier ministre. Au revoir. Et je deviens pape. Ouais. Who made you the pape du rap? OK. Mais oui, c'est bon, ça. Ouais. Mais sinon, peut-être se faire enlever la partie du cerveau qui, je sais pas. Peut-être aller chercher là, précisément quelle zone du cerveau ça fait. Je suis en train de faire des recherches sur la lobotomie. C'est très efficace. C'est plus légal, mais pique à glace dans l'œil. Ah! On broie un peu une partie du cerveau et bonsoir. Ah oui, ça marche. Quelques années plus tard, on revient dans un gala et on chante. Laissez-moi encore chanter. C'est ça. Ça marche, un gala juste pour rire. Tout ça fonctionne. Et si vous n'avez des solutions préférées, si vous avez des solutions préférées, allez nous les écrire sur notre groupe Facebook en dessous du problème. À chaque semaine, je mets le problème qui est en ligne. Et n'oubliez pas de nous suggérer vos problèmes. D'ailleurs, Jean, dans l'assistance, il y a aussi le livre. Le cahier. Dans lequel vous le grand livre des problèmes. Oui. Et la semaine prochaine, on était supposé de recevoir Nadine Mathurin pour le problème de Jean-Benoît Gagné. Oui. Malheureusement, elle a manqué, pas manqué son avion, mais son avion était à New York. On est jet set en ici. Oui. Mais finalement, elle ne pourra pas venir cette semaine. Parce que le pilote a pensé au jeu, finalement, il était... Oui. C'est ça. Non, tu peux pas prendre d'avion. On a renégocié avec ses agents pour le mois d'août. Yeah. Donc, elle va revenir avec le problème de Jean-Benoît Gagné. Mais la semaine prochaine, nous aurons Florence Lompré avec un problème du public. Solide. Live, comme dans le temps. Oui. Dans le temps, on les prenait live de même. J'aimerais aussi remercier nos podophiles qui sont dans l'assistance. Oh, merci. Merci vraiment. Merci au service de traiteur aussi. Hein. C'était quoi, Mathieu, cette semaine? Le service de traiteur, ce qu'on a mangé. Oui. Écoute, regarde, j'en ai encore l'eau à la bouche. Sandwich hummus pita avec servi avec un vin de la pastille aromatique et charnu. Oh, mes vins préférés. Moi, te le dire, ça s'est laissé manger. Des bons pita à l'humus avec du vin, là, c'est ça que tu nous dis. Oh, ça a l'air dégueulasse de même, mais en bouche, un party. Magnifique. Merci, Boilly Boileau. Les passages, balado.québec.ca. Oui. Et là, on est aux alentours du 27 juin. Oui, il fait beau. Donc, oui, il fait beau. Et vous êtes au ZooFest, le petit rire jaune, hein? On était au ZooFest, en fait, Fred, merci d'être venu. Ben oui, c'est fini, ça a fini la semaine dernière. On était là le 14, 15, 16 juin. Juillet, non, juillet. Oh, juillet. On est juin, excuse-moi. 14, 15, 16 juillet et 21, 22, 23 juillet, on va être là. Parfait. Et ça va être aussi drôle que cette blague-là. Ouais. Petit rire jaune, oui. Sinon, les quatre, on est dans la lime. Les quatre, on est dans la lime. Ça recommence le mois d'octobre. L'an prochain. Mais les quatre, là, ça dépend. Mais il y a d'autres shows d'humour aussi qu'il ne faut pas manquer. Oui, le show de Priscilla. Moi, j'espère que ce personnage-là va rester dans ce podcast. Ouais. J'espère qu'il sortira pas du 170 pour aller dans le 171. C'est sûr qu'elle a sa série télé à l'an prochain, là, avec les enveloppes à la performance. Donc, si... Si ça, vous vous sentez généreux, n'hésitez pas à nous faire un don sur PayPal, oui. l'instable.com, pas d'apostrophe, l'instable. Ou sinon, 5 ou rien, 5 $ ou rien pour, comme, pour, sur PayPal, ou 5 ou rien comme étoile sur iTunes. Oui, faites pas comme Martin Boily qui s'est trompé. Là. Ah, ça, hey, je suis pas le seul qui s'est trompé. C'était pas clair, c'était maudit. Nous a donné deux. Nous a donné deux. Et je savais pas que c'est pour voter. Voilà. Le mot de la fin. À moi? Ben oui. Vous aviez un problème? Vous avez un problème. Ouais. Ils ont un podcast. Voilà!